Si tu bosses pas, t'avances pas. Chaque fois tu penses pas. Papa de lance pas. Toi-même tu as balancé. Ne dis pas ce que tu penses pas. Ton pote le laisse pas. Les fonds ne restent pas. Pas besoin d'eux pour avancer. Non, c'est sûr qu'ils comptaient. Des terres à monter. Suffit pas de parler. Non, poteau, faut la volonté. Ou l'instru, faut la dompter. Pétard et bonté. Si tu veux du produit, y'a la patate à volonté. Tout est basé sur l'aspect. Y'a plus de respect. Tu veux le respect. Crée pas ton confiance, pas confiance. Personne peut contester. Si tu veux tester, tu risques d'y rester. Poteau, je crois que t'as pas conscience. Rien ne sert de jacter. Je suis là, mes pensées sont dans la voie lactée. Je passe la rivière avant le préfet partait. T'as trop fumé au poteau, t'as bugué sur Arte. Devenu malade d'avoir les jambes écartées. Dans le game, trop de salopes. Vous même penser qu'à soi plutôt que de penser qu'à l'autre. Te précipite pas, mets le pied devant l'autre. Arrête ta carotte, poteau, tire à l'affaire à l'autre. Je t'ai dit qu'à plus d'âge pour se faire allumer. Ouais, après le rafalage, tout le monde allume les calumets. Je vois les briquets allumés pour tous ceux qui sont partis. Si ton poteau parle trop, haine non humée. Trop de fois la soulever, qu'en valent pas la peine. Si t'es rennaise, ne fais pas la belle. Beaucoup manque à la belle, des lamelles à la pelle. Numéro masqué, ne prends pas la peine. On prend le but à coup de pelle, y'a pas de karaté. Personne te fera la passe, t'es bon karaté. Tu parles pour rien, tu veux me balader. Si tu nous fermes les portes, on va escalader. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le touchy. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le touchy. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. Que des épreuves dans la vie, y'a pas de hasard. Y'a les joueurs et puis y'a celui qui a le brassard. Y'a ceux qui visent et puis y'a ceux qui tirent au hasard. Tu vas rouler pour toi même si t'as mis les brassards. Scammy Mozart pour les têtes rasées. Tu dois du bif pour toi les murs tu vas raser. Même si on pardonne, on n'oublie pas le passé. Non c'est pour tous ceux qui marchent pieds nus sur le brasier. On va t'écraser par terre comme un coup de joint. Chez nous poteau non plus rien ne se règle à coup de poing. J'arrive à balle et je rappe plus vite que les ballons. Quand je rappe les radars me fâchent à force. J'ai perdu mes 12 points. Minimum faut 12 points pour te monter en l'air. Rien ne sert de tirer pour tirer en l'air. Mettez tous les mains en l'air. J'arrose comme un canadair. Si je t'allume ta mère, je te vis tout le camembert. On est toujours sur les nerfs donc il faut qu'on consomme. Ça va du bif avant que le gong sonne. Le monde est fasciné par les grosses sommes. J'occupe mon bas les couilles poteau que le fun sonne. Des fois ça fonctionne, des fois ça marche pas. Devant les armes ça court, ça marche pas. Il faut choisir entre le bien ou le mauvais. Moment donné faut faire un choix, les deux ça marche pas. T'inquiète, on lâche pas, on perce dans la serrure. Faut rester solidaire, c'est tout pour la thune. Faut pas parler, faut le faire. Investir dans le fer pour investir dans la pierre et quitter le bitume. On charbonne sur iTunes, on n'a pas fait d'études. Pour faire le buzz, il faut faire le gros tube. Ça parle de grosses caisses, roi rien en gros cube. Pas besoin d'un tuyau quand on a le gros tube. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le touchy. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le touchy. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. Faire carrière dans le touchy. De quoi percer des blindés. De quoi claquer sans souci. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné. On veut tous être blindés. De quoi percer des blindés. On veut tous de la monnaie. Non mais pas dans ton nez. Méfie-toi des mauvais. Je t'avais prévenu, ne sois pas étonné.